as you surely come be. Cet orni que finissent les vacances à Paris. Adieu joli Candy, une voix t'appelle, c'est l'heure déjà de t'en aller. On dit toujours ça. Adieu joli Candy, je regretterai ton sourire et tes fautes de français. De la chance.